بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On continue إن شاء الله تعالى l'explication, la lecture et le commentaire du moins de cet écrit très profitable de l'imam Mohammed ibn Abd al-Wahhab, Kitab al-Tawhid, le livre de l'unicité. On était arrivé à la parole de l'auteur rahimahullah lorsqu'il dit Babu ma ja'a fi Là-haut. Et donc le chapitre concernant les textes liés à là-haut, qui ont traduit par si. Le fait de dire si seulement ça, si j'avais fait si, si j'avais dit ça, alors comme ça, etc., etc. Et donc il nous dit l'auteur rahimahullah, wa qawlullahi ta'ala, ainsi que la parole d'Allah, le très haut, yakuluna law kana lana min al-amri shay'un ma qutilna hahuna. Ils disent, si seulement on avait une part du commandement, nous n'aurions pas été tués. Nous n'aurions pas été tués là-bas, et donc dans telle situation. Et donc, barakallahu fikoum, ici, l'auteur, rahimahullah, dans ce chapitre, en début de ce chapitre, qu'il nous cite un verset qui concerne les hypocrites, les munafiqoun. Le jour de Uhud, lors de la bataille de Uhud, lorsque la bataille a commencé à être difficile et que les musulmans ont commencé à être touchés, qu'il y a eu des pertes chez les musulmans, alors à ce moment-là, les hypocrites, ils ont commencé à blâmer le prophète, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que les incroyants, en disant, si c'est nous qui avions une part dans le commandement, dans les décisions, on n'aurait pas été touché, on n'aurait pas eu de perte, on n'aurait pas été tué là-bas. D'accord ? Et donc ici, barakallahu fikoum, ici l'auteur, il nous montre que cet agissement n'est pas convenable, que cet agissement est contraire au tawhid, et que le musulman, il doit patienter. Le musulman, pour parfaire son tawhid, il doit faire placer sa confiance en Allah tabaraka wa ta'ala, endurer durant la difficulté. C'est comme si aujourd'hui les musulmans, ils ont un projet qui est bien, alhamdulillah, ils avancent, la da'wah elle avance, et lorsqu'on a une difficulté, qu'elle soit financière ou autre, certains vont dire, je vous avais dit que si seulement c'est nous qui avons pris les décisions, ça aurait été mieux, etc., etc., etc. Non, le croyant, il place sa confiance en Allah, tabaraka wa ta'ala, et il espère, venant de lui, le secours. Par contre, le fait de montrer la plainte, le fait de se plaindre, de ne pas être satisfait du décret d'Allah, tabaraka wa ta'ala, cela fait partie des attributs, des caractéristiques des hypocrites. De ce que Allah tabaraka wa ta'ala a dit d'eux, inna al-munafiqina fi darkil asfali minan nar. Et donc les hypocrites, en réalité, donc il faut savoir, ce sont des incroyants. Ils cachent l'incroyance en eux et montrent l'islam, mais ils n'adhèrent pas à l'islam. Et donc il n'est pas convenable que le musulman ait en lui des caractéristiques qui soient conformes à ces gens-là. Alors, il nous apparaît ici clairement, barakallahu fikoum, que le fait de ne pas patienter dans la difficulté, et le fait de se plaindre, si seulement qu'est-ce, si seulement si, si seulement ça, cela est une attaque à ton tawhid, une diminution de ton tawhid. Et donc, il est obligatoire que chacun d'entre nous fasse preuve de fermeté, afin que nous puissions parfaire notre tawhid pour Allah tabaraka wa ta'ala. Et il faut savoir que l'utilisation du mot là-haut, si, peut être faite de deux manières. Une manière qui va être louable et une manière qui va être blâmable. La première manière qu'on va voir, la manière qui est louable, c'est la personne qui va utiliser ce terme « si » pour montrer qu'elle espère quelque chose de bien. Elle montre qu'elle espère quelque chose de bien. Comme le fait de dire, comme cela a été cité dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit que, donc, les gens de sa communauté se divisent en quatre groupes. Ils sont comme quatre groupes, comme quatre personnes. Rajulun a'tahu Allahu malan fa anfaqahu fi subulihi. Un homme dont Allah tabaraka wa ta'ala lui a donné de l'argent, alors il a dépensé de cet argent dans les voies, dans les sentiers d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc lui, Allah lui a donné. Et cet homme, il a dépensé dans le bien. Et un autre homme qui dit, « Lau kana li mislu mali fulan, la'amiltu misla amalihi. » Un autre qui dit, « Si j'avais la même somme d'argent qu'un tel, j'aurais fait les mêmes œuvres que lui. » J'aurais fait les mêmes œuvres que lui. Et celui-ci est récompensé par son intention. Et donc ici, le fait qu'il ait dit « si j'avais », etc., c'est louable. Parce qu'ici, il espère le bien. Si Allah me donnait, si j'avais de l'argent, hein, si j'avais suffisamment d'argent pour construire une mosquée, j'aurais financé entièrement une mosquée dans le Nord. Si j'avais les biens d'un tel, j'aurais financé entièrement une mosquée dans le nord de l'île, et entièrement une mosquée dans le sud de l'île, et entièrement une mosquée dans l'extrême nord de l'île, etc., etc. Et donc tout ça, ce sont de bonnes intentions. Maintenant, quand est-ce que cela va être blâmable? Ça va être blâmable lorsque la personne va utiliser cela pour se plaindre. Et pour montrer qu'elle n'est pas satisfaite du décret d'Allah tabaraka wa ta'ala. Si seulement je n'étais pas venu ici, je n'aurais pas galéré comme ça, comme ci et ça. Si seulement, etc., etc. La personne, elle va utiliser cela pour se plaindre. Et donc là, cette utilisation du mot-ci est blâmable. Ensuite, l'auteur rahimahullah qui nous dit « Wa qawli Allahi ta'ala » ainsi que la parole d'Allah le Très-Haut « Allazina qawlu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma kutilu » Ceux qui disent à leurs frères, alors que eux ils se sont absentés de la bataille, et ils disent de leurs frères, si seulement cela nous avait écoutés, ils ne seraient pas tués. Et donc ici encore, ils montrent une insatisfaction. C'étaient les hypocrites à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite l'auteur qui nous dit, wa fi sahih, an Abi Huraira radiyallahu anhu. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو Et donc dans As-Sahih, ici c'est-à-dire le Sahih de l'imam Muslim, rahimahullah. D'après Abu Hurairah radiyallahu an, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, efforce-toi de faire ce qui t'est profitable. Mashallah. Quel bon conseil du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Efforce-toi de faire ce qui t'est profitable. Déjà, pour commencer à appliquer juste le début de ce conseil, on doit déjà comprendre qu'il faut qu'on arrête de perdre notre temps. Hein? Les réseaux sociaux, il faut être abonné à toutes les chaînes Telegram, et ci, et ça, etc., etc., etc. Efforce-toi de faire ce qui t'est profitable, ce qui te fait avancer. Les gens aujourd'hui ne savent pas ce qui leur fait avancer dans la religion. C'est pour ça que tu vas trouver des personnes que ça fait longtemps, longtemps, longtemps qu'ils sont là, mais il n'y a pas d'évolution. Il n'y a pas d'évolution. Pourquoi ? Parce que on ne sait pas ce qui est profitable. Ihris ala ma yanfa'uk. Wasta'in billah. Allahu akbar. Et implore l'aide d'Allah. Parce que sache que peu importe ce que tu veux faire comme bien, si Allah ne t'aide pas, tu ne pourras pas le faire. Tu veux venir assister au cours à la mosquée, tu veux apprendre, alhamdoulillah, c'est bien. Si Allah ne t'aide pas, tu ne pourras pas le faire. Et donc, implore l'aide d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Rappelle-toi dans surat al-Fatiha. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit « Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in » C'est toi seul que nous adorons. Et c'est à toi que nous implorons le secours. C'est à toi que nous implorons l'aide. Et donc Allah a cité l'adoration. Et ensuite il a cité la demande d'aide qui est un acte d'adoration aussi. Et donc est-ce que Allah il nous dit « C'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul que nous adorons » Non, mais qu'est-ce qui est voulu ici? Il nous montre, tabaraka wa ta'ala, que dans les actes d'adoration que tu veux faire, tu ne peux faire aucun acte d'adoration sans l'aide d'Allah Azza wa Jal. Si aujourd'hui tu as avancé, sache que c'est parce que c'est Allah qui t'a aidé. Si aujourd'hui tu as compris, sache que c'est parce que c'est Allah qui t'a aidé. Si aujourd'hui tu as réussi à faire tel acte d'adoration, sache que c'est parce que Allah qui t'a aidé. Et donc, efforce-toi de faire ce qui t'est profitable. Tu veux faire Qiyam al-Layl. Tu veux te lever la nuit. Ista'in billah. Implore l'aide d'Allah. Oh Allah, aide-moi. Afin que je puisse me lever, afin que je puisse prier. Oh Allah, aide-moi. Afin que je puisse lire, afin que je puisse avancer. Oh Allah, aide-moi. Et donc, efforce-toi de faire ce qui t'est profitable. Et implore l'aide d'Allah. Wala ta'jaz. Et ne fais pas preuve de paresse. Ne fais pas preuve de paresse. Hein? Le fait de rester là, à se tourner les pouces. Bon, alors, qu'est-ce que je vais faire? Bon, il n'y a rien à faire. Bon, allez, on va aller regarder 2-3 vidéos sur YouTube. Hein? On va aller regarder des rappels, voir un petit peu. Hein? Parce que je ne peux pas aller regarder des vidéos haram. Eh ben, on va regarder 2-3 rappels sur YouTube. Et on pense que c'est comme ça qu'on avance. Mais va lire le Coran. Pour toi, tu ne peux pas lire le Coran, Yanni. Essaie de lire le Coran. S'il y a quelque chose qui te dérange ou quelque chose que tu ne comprends pas, tu demandes, tu vas chercher dans les tafsir, etc., etc. C'est comme ça que tu vas avancer. C'est comme cela que tu vas avancer. Non, nous, on est là. On attend que la journée passe. Et même ce rappel qu'on va regarder sur YouTube, est-ce qu'on le regarde vraiment parce qu'on veut avancer ou on le regarde parce qu'il faut tuer le temps? Il faut passer le temps. On s'ennuie. Je m'ennuie alors. Tiens, Yachir, il a un rappel. Et donc, oh chers frères et sœurs, barakallahu fikoum. Ce conseil que nous donne le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est un conseil très important. Efforce-toi de faire ce qui t'est profitable. Implore l'aide d'Allah et ne fais pas preuve de paresse. Ensuite, il continue le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et il nous dit wa in asabaka shay'un, et si quelque chose t'atteint, c'est-à-dire un mal te touche. Si un mal te touche, alors ne dis pas, si seulement j'avais fait ça, alors ça aurait été comme ci ou comme ça. Mais dis plutôt, qaddara Allahu wa ma sha'a fa'al. C'est ce qu'Allah a déterminé et Allah fait ce qu'il veut. C'est ce qu'Allah a déterminé et Allah fait ce qu'il veut. Et donc, efforce-toi de faire ce qui t'est profitable au serviteur d'Allah. Implore l'aide d'Allah. Ne fais pas preuve de paresse. Et ensuite, une fois que tu as fait tout cela, si un mal te touche, alors tu dis « Qaddar Allah ». C'est ce qu'Allah a décrété. Tu vas faire quoi dans tous les cas ? Allah a décrété que ce mal-là va te toucher. Et c'est un bien pour toi. C'est un bien pour toi. Et ensuite, il continue le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, car le fait de dire si, cela ouvre la porte au diable. Cela ouvre la porte au diable. Le fait de rejeter le destin qu'Allah t'a décrété. Le fait de montrer une insatisfaction de ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a décrété pour toi. Sois satisfait de ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a décrété te concernant. Accepte ton destin. Et efforce-toi de faire ce qui est profitable. Et aussi, dans certaines narrations, il est cité que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, certes, al-mu'minul qawi khayrun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min al-da'if wa fi kullin khayr. Le croyant le plus fort est meilleur et plus aimé d'Allah que celui qui est faible. Mais il y a un bien chez chacun. Et donc, il faut que tu sois fort. Et toi aussi, ma sœur, il faut que tu sois forte. Que tu acceptes le destin, que tu acceptes la difficulté, que tu acceptes d'être éprouvé ici-bas. Et que tu veux être récompensé dans l'au-delà pour ta patience. Et ça demande des efforts. Et donc le musulman, on comprend de ce hadith, barakallahu fikoum, que le musulman ne cesse d'implorer l'aide d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et c'est pour cela que souvent, on va réciter Al-Fatiha, Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in. On se rappelle le fait qu'on doit demander l'aide d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Ceci est une obligation. Si Allah ne te secourt pas, personne ne peut te secourir. Allah, tabaraka wa ta'ala, il nous dit dans son livre, si Allah vous secourt, alors personne ne peut avoir le dessus sur vous. Mais s'il vous laisse, c'est-à-dire s'il vous laisse à vous-même, qui est celui qui va vous secourir après lui? Si Allah il vous laisse, qui va te secourir? Personne ne peut te secourir, personne. Et donc implore le secours d'Allah tabaraka wa ta'ala et ne fais pas preuve de paresse, mais sois sérieux et si un mal te touche, alors ne dis pas si et si et si. Ensuite l'auteur qui nous dit rahimahullahu ta'ala babun an-nahyu an sabbir-rih, le chapitre concernant l'interdiction quant au fait d'insulter le vent. Et ensuite il nous dit an Ubay ibn Ka'b radiyallahu an أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الريح فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح ومن وخير ما فيها وخير ما أمرت به ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به صححه الترمذي. Et donc d'après Ubay ibn Ka'b radiallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, n'insultez pas le vent, car et si l'un d'entre vous voit ce qu'il déteste, si l'un d'entre vous voit ce qu'il n'aime pas, alors qu'il dise, ô Allah, nous te demandons ce qu'il y a de bien dans ce vent, et ce qu'il y a de meilleur dans ce vent, et dans ce qui lui a été ordonné à ce vent. et nous implorons ta protection contre le mal de ce vent, et contre le mal de ce que contient ce vent, et contre le mal de ce qui a été ordonné à ce vent. Et donc ce hadith a été authentifié par Tirmizi. Et donc la personne, elle va invoquer Allah tabaraka wa ta'ala, donc, et demander le bien qu'il y a dans ce vent, et implorer la protection du mal qu'il y a dans ce vent. Mais elle ne va pas insulter le vent. Et ça nous rappelle un chapitre qu'on a déjà vu précédemment, l'interdiction qu'il y a dans le fait d'insulter le temps. C'est pareil. Celui qui insulte le temps, son insulte revient à Allah tabaraka wa ta'ala parce que c'est lui qui a créé le temps. Et bien pareillement, celui qui va insulter le vent, son insulte revient à Allah tabaraka wa ta'ala parce que c'est lui qui a créé le vent. C'est lui qui a créé le vent. Et donc il est important, barakallahu fikoum, qu'on fasse preuve de bon comportement envers Allah tabaraka wa ta'ala. On va arrêter là pour aujourd'hui, inshallah ta'ala. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خيرا.